Non, madame, je n'étais pas là non plus. Mon sang n'a pas coulé dans les chambres isées. Seul un baiser arraché à la pluie veille sur ce silence. La ville était détruite, la campagne anéantie, le firmament. Nous méditions à la hâte le long des mausolées des catacombes. À la maison près d'Homère l'aveugle, je te suppliais de croire en demain.